Livre cinquième. Ce fut, ce me semble, en 1732 que j'arrivai à Chambéry, comme je viens de le dire, et que je commençais d'être employé au cadastre pour le service du roi. J'avais 20 ans passés, près de 21. J'étais assez formé pour mon âge, du côté de l'esprit, mais le jugement ne l'était guère, et j'avais grand besoin des mains dans lesquelles je tombais pour apprendre à me conduire. Car quelques années d'expérience n'avait pu me guérir encore radicalement de mes visions romanesques, et malgré tous les maux que j'avais souffert, je connaissais aussi peu le monde et les hommes que si je n'avais pas acheté ces instructions. Je logeais chez moi, c'est-à-dire chez maman, mais je ne retrouvais pas ma chambre d'Annecy. Plus de jardin, plus de ruisseaux, plus de paysages. La maison qu'elle occupait était sombre et triste, et ma chambre était la plus sombre et la plus triste de la maison. Un mur pourvu, un cul-de-sac pourru, peu d'air, peu de jour, peu d'espace, des grillons, des rats, des planches pourries. Tout cela ne faisait pas une plaisante habitation, mais j'étais chez elle, auprès d'elle. Sans cesse à mon bureau ou dans sa chambre, je m'apercevais peu de la laideur de la mienne. Je n'avais pas le temps d'y rêver. Il paraîtra bizarre qu'elle s'était fixée à Chambéry tout exprès pour habiter cette vilaine maison. Ce fut même un trait d'habileté de sa part que je ne dois pas taire. Elle allait à Turin avec répugnance, sentant bien qu'après des révolutions encore toutes récentes, et dans l'agitation où l'on était encore à la cour, ce n'était pas le moment de s'y présenter. Cependant, ses affaires demandaient qu'elle s'y montrât. Elle craignait d'être oubliée ou desservie. Elle savait surtout que le comte de Saint-Laurent, intendant général des finances, ne la favorisait pas. Il avait à Chambéry une maison vieille, mal bâtie, et dans une si vilaine position qu'elle restait toujours vide. Elle la loua et s'y établit. Cela lui réussit mieux qu'un voyage. Sa pension ne fut point supprimée, et depuis lors, le comte de Saint-Laurent fut toujours de ses amis.